Un ange sur la terre, chapitre 29. Catastrophe. Pendant que Don Roque exécutait son voyage et poussait sa pointe amoureuse avec le peu de succès que nous venons de voir, pendant que Ren et Genaro s'abandonnaient à leur aveugle amour, pendant que la marquise faisait à sa tranquillité le sacrifice de sa fortune, Lágrimas, seule, souffrante, sans nouvelles des personnes qu'elle aimait, puisque Ren n'avait pas répondu à la longue lettre qu'elle lui avait adressée, Lágrimas dépérissait de jour en jour. Mais jamais une plainte ne s'exhalait de sa bouche. Calme, douce et muette, elle inclinait la tête pour mourir, comme la fleur arrosée par les eaux de la mer. Quant à Tiburcio, vainement ses parents avaient-ils voulu lui persuader de se mettre à la tête de la fabrique que Don Roque établissait au couvent. Le jeune entêté s'y refusait obstinément, objectant pour tout argument qu'il n'était pas né pour être fabricant. Et il prononçait ce mot, fabricant, d'un ton de dédain tel que nous ne saurions l'imiter. Il méprisait, l'insensé, cette classe de la société qui fait l'honneur des gouvernements. Ces hommes qui donnent du pain à tant de pauvres gens et dont la puissance, quand elle est dans des mains justes et bienfaisantes, rappelle, dans notre siècle d'égoïsme et de vertigineuse indépendance, la domination paternelle qu'exerçaient les patriarches dans leurs tribus. Désespéré de ne pouvoir parvenir à convaincre son fils, Don Perfecto, croyant le moyen infaillible, se résolut à violer le secret qu'il avait juré à Don Roque et communiqua à Tiburcio le projet de son oncle de le marier avec sa cousine. Mais figurez-vous l'étonnement et le désespoir du pauvre père quand, à la peinture de ce brillant avenir, dont la fabrique n'était que l'aurore, il vit son fils accueillir cette confidence avec un profond dédain et déclarer positivement, de cet air superbe qui lui était familier, que jamais il n'épouserait cette pauvre fille infirme, fanatique et à moitié folle, quand même le mariage ne lui imposerait pas l'obligation d'être fabricant et de végéter dans un misérable trou de village. Le père voulut insister, mais le fils répondit d'une manière si acerbe, si méprisante, si insultante, si ironique, que le pauvre alcalde s'aperçut, mais un peu tard, de la faute qu'il avait commise en n'écoutant pas les conseils excellents, quoique un peu grossièrement exprimés, de sa femme. En voyant que, pour fruit de tous ses sacrifices, il ne recueillait que le déboire d'avoir fait de son fils un être rebelle à toute domination, incapable de rien faire, le pauvre père pleurait des larmes de sang. Voyant que Ren ne répondait pas à sa lettre, Lágrimas lui écrivit de nouveau. Lágrimas à Ren. Tu ne m'écris pas, ma reine. Je ne sais plus rien, ni de toi, ni de personne. Si tu savais pourtant combien je me trouve seule et isolée. Mais plus je suis seule, plus je me sens près de Dieu, et je comprends maintenant la vie des solitaires de la Thébaïde. S'il y a une solitude pour le cœur, il n'y en a pas pour l'âme. Depuis ma dernière lettre, de terribles événements se sont passés dans notre paisible village, et je prends la plume pour t'en faire part. Il est dit, ô ma reine, que je boirai le calice jusqu'à la lie. Je ne sais comment je parviendrai à t'écrire, car, à ces lignes mal tracées, tu reconnaîtras l'agitation fébrile de mon pouls. Ma chambre, qui donne sur la rue, est séparée de celle de mes parents par une simple cloison en bois. Ce matin, je les entendais discuter, et la voix de Tiburcio s'élevait plus haut que les autres. Soit qu'on me crût absente et descendue à la basse cour, comme je le fais quelquefois, soit que mon ouïe soit devenue plus fine avec la maladie, rien de ce qui se disait n'échappait à mon oreille. J'allais me lever et quitter la chambre quand j'entendis ces terribles paroles prononcées par Tiburcio. « Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Quoi que vous en disiez, quoi qu'en dise votre cousin Don Roque, l'homme doit viser plus haut qu'à la richesse. Je ne veux pas être riche. S'il me faut être condamné à végéter dans cet obscur village, si je dois me rabaisser au rôle d'un obscur fabricant, s'il me faut enfin épouser une imbécile fanatique. Tais-toi, tais-toi !» lui disaient ses parents. Mais il poursuivit, sans les écouter. « Une pauvre fille, infirme, poitrinaire et à moitié folle !» Après ces mots, il sortit précipitamment de la chambre et de la maison. « Reine, reine, infirme, poitrinaire, folle ! Oh mon Dieu, mon Dieu !» 15 octobre. Je n'ai pu continuer ma lettre l'autre jour. On me trouva évanouie sur ma chaise et l'on me porta dans mon lit dont je viens à peine de sortir. Pendant ce court espace de temps, il est arrivé un malheur terrible à cette pauvre famille. Mon oncle avait envoyé Tiburcio à Cadix pour conférer avec mon père sur les travaux qui s'exécutent au couvent et rapporter de l'argent. Tiburcio a touché les fonds et a disparu avec eux. Comment te peindre l'affliction de cet honnête couple qui veut rembourser mon père, mais que ce sacrifice achèvera de ruiner? Cela fend le cœur de les voir et de les entendre. Mon père devrait refuser ce sacrifice, mais il ne le fera pas. Mon père a sur l'argent les idées les plus étranges. La mère de Tiburcio croit qu'il est parti pour la Californie. Son père pense qu'il est allé rejoindre, en Icarie, ce cabé dont il parlait tant et qui servait de but aux plaisanteries de Flora et de Fabiane. Mais en réalité, personne ne sait où il est. Je vais écrire à mon père pour le supplier de ne pas ruiner ces malheureuses gens qui, en définitive, sont ses plus proches parents. Dieu sait comment il accueillera ma lettre. Et il est plus que probable qu'il n'y aura pas égard. Mais enfin, c'est un devoir et je le remplirai. La compassion inactive est un corps sans âme. Dût-on échouer dans ses tentatives, il faut essayer de soulager son prochain. C'est une satisfaction pour notre ange gardien qui, comme disait la mère Bon Secours, compte nos pas et nos démarches. La grimace. Lettre de Lagrimas à Don Roque. Mon père et seigneur, je n'ai jamais réclamé de vous aucune faveur. Vos bontés m'en ont dispensé, puisque vous avez toujours pris soin de moi en bon père. J'espère donc que vous ne me refuserez pas la première que je sollicite. Au nom de Dieu, ne souffrez pas que mes pauvres parents se ruinent pour vous rembourser l'argent que mon cousin a emporté et qu'il vous rendra un jour ou l'autre, j'en suis persuadée. Ayez pitié de cette pauvre famille dont la désolation me fend le cœur. Trouverez-vous jamais un meilleur placement pour votre argent que celui de faire le bien? On m'a dit, je ne sais si c'est vrai, que j'ai hérité quelque chose de ma mère. Prenez la somme qui vous est due sur la portion qui me revient, si tant est qu'il me revienne quelque chose, et je serai toute ma vie reconnaissante de cette faveur plus que de toute autre que vous pourriez faire à votre fille, aimante et soumise, qui, en déposant entre vos mains cette humble supplique de son cœur, se dit avec respect « Votre tendre fille, Lagrimas ». Réponse de Don Roque à Lagrimas. quand les femmes, en général, et les morveuses, en particulier, veulent parler d'affaires, elles font du sentiment et ne disent que des bêtises. Ainsi, parce que cet alcalde présomptueux a fait de son fils un vaurien, il faudrait que j'en payasse la folle enchère. J'en serais pour mes 2000 piastres et il se rirait de moi. Allons donc, sache bien, toi qui ne sais rien, qu'un débiteur ne paye jamais de bonne grâce. Si c'était une raison pour ne pas rentrer dans son argent, nous serions frais. Me paye-t-il à moi, ce petit alcalde montagnard, les frais de drogues et de médecins que tu me coûtes? Pourquoi donc payerais-je les friponneries de son vaurien de fils? Ainsi on t'a dit que tu avais hérité de ta mère, et l'enfant veut disposer de son bien. On aurait dû te dire aussi que jusqu'à ta majorité, tu ne peux disposer d'un quarto, à plus forte raison de 2000 piastres. J'aurai soin de veiller sur toi et de t'empêcher de faire des folies. Je ne puis attribuer cette idée saugrenue qu'à un des accès, vrai ou simulé, dont tu fatigues notre patience. Tiens-toi prête à partir sous peu de jours. Je viendrai te chercher.